Première partie, l'héritage mortel. Chapitre 1er, la reine des Bohémiens. Quelques mois plus tard, une scène étrange et pittoresque se déroulait dans un des sites les plus sombres de la forêt de Fontainebleau. Un peu avant la nuit tombante, par toutes les routes et les chemins, des bandes de Bohémiens s'engageaient sous bois, venant de tous côtés, abordant par 100 voies diverses l'immense forêt qui a 30 lieues de tour. Les familles de ces gitanos n'attirèrent point l'attention des gardes, éparpillés qu'ils étaient sur un vaste périmètre, mais toutes convergeaient sur un seul point et s'y réunissaient. À minuit, le vaste cirque naturel formé par les gorges de Franchard était occupé par un bivouac où s'alignaient plus de 2000 voitures rangées méthodiquement par groupes de familles et occupant le fond de l'amphithéâtre. Ce camp était gardé au loin par des postes armés dont la mission était d'arrêter qui que ce fût. Un peloton de la gendarmerie d'élite, chargé de la police spéciale des résidences impériales, fut, dit-on, démonté cette nuit-là, fait prisonnier et gardé jusqu'au matin. Les gitanos, qui arrêtèrent ainsi les gendarmes avec une rare adresse, étaient déguisés en paysans. On les prit pour des braconniers, et les villages des alentours furent fouillés à fond pendant plus de 8 jours, sans amener de découverte. D'autre part, les garderies étaient surveillées par d'habiles jeunes gens des tribus qui, voyant sortir un garde pour sa ronde de nuit, s'arrangeaient de façon à l'attirer loin de Franchard par des bruits insolites. Bref, la grande armée des Bohémiens était bien défendue et nul ne pouvait pénétrer jusqu'à elle. Sous la lune, on la voyait grouiller autour de ses feux allumés malgré les défenses formelles de l'autorité. La gorge s'éclairait de rouge lumière des bûchers rôtissants des monts entiers. C'était fête solennelle pour les tribus. Il s'agissait de donner un chef à la nation. On devait nommer un roi ou une reine. Pendant que les femmes préparaient le repas, les hommes allaient d'un foyer à un autre, se visitant, se consultant, se renseignant, engageant des affaires, mariant leurs filles et leurs fils, faisant des alliances et des échanges, concertant des plans d'attaque contre la société. C'était à la fois une foire et un congrès. C'est là qu'un observateur aurait pu se rendre compte des immenses ressources de ces tribus mendiantes. À voir passer ces hordes, on se demande de quoi elles vivent. Peu au point de travail, partant peu au point de salaire, quelques aumônes, une maigre recette par la vente des paniers d'osier, moins de rapines qu'on ne l'imagine, il n'y a pas là de quoi faire subsister ces familles errantes. En réalité, elles ont toutes quelques mystérieuses affaires à traiter, et qui rapportent de grosses sommes. Tantôt c'est un enfant gênant à enlever, tantôt c'est un vol considérable à accomplir. D'autres fois il s'agit d'incendier un château. Et souvent même, ces bandes sont chargées d'espionner une région comme il est arrivé pour la France en 1868 et 1869. Toutes ces affaires se traitent dans la grande assemblée qui se tient tous les 2 ans, soit dans un lieu, soit dans un autre. Lorsque le chef meurt, c'est dans cette réunion qu'il est procédé à l'élection de son successeur. Plusieurs fois en ce siècle, Franchard a été le théâtre de ce chant de mai nocturne des gitanos de France. Le cadre, du reste, en est admirable. Qu'on se représente une chaîne de rochers sauvages, abrupts, entassés dans les poses les plus hardies et décrivant une vaste enceinte. On dirait des arènes bâties par des titans. Les gradins gigantesques s'étagent jusqu'aux cimes et vont par lignes brisées, rompues, inachevées, mais suffisamment indiquées, aboutir à une voûte naturelle surplombant une sorte de loge assez vaste pour contenir une centaine de personnes. Les blocs de granit qui la couvrent forment des masses effrayantes dont les équilibres risqués donnent le frisson. On tremble d'être, en passant dessous, écrasé sous ces formidables monolithes dont un seul, débité en moellons, suffirait à construire un monument. Il était près de 2 heures du matin, la lune éclairait le camp pittoresque des Bohémiens. Les chefs de famille avaient terminé leur visite, donné leur mot d'ordre, conclu les traités, terminé leurs affaires. On les vit alors se diriger lentement, un à un, vers la grotte des druides. Tous s'assirent sur les bancs de pierre. Ils étaient 123 environ, parmi eux, quelques femmes. Des torches flambèrent bientôt sous la voûte et l'illuminèrent. Étranges étaient tous ces visages, les uns encadrés de cheveux blancs et jeunes encore d'expression, sous les barbes argentées, rappelaient les types orientaux des patriarches que Delaroche a crayonnés dans sa Bible. D'autres, dans la force de l'âge, hardis, intelligents, semblait frotter de civilisation. Mais ce n'était là qu'un vernis. 2 heures étant marquées par les étoiles, tous se levèrent et se tournèrent vers l'Orient. Au même moment, les tribus rangées par ordre imitaient ce mouvement dans la plaine et tout ce peuple salua par trois géniflexions les trois étoiles dans lesquelles ils prétendaient reconnaître les trois guides qui leur ont été donnés lors de leur dispersion dans l'Inde. Comme tous les peuples chassés par l'invasion et errants, ils attendaient un messie, un libérateur, qui leur redonnera la terre des ancêtres. Cette triple prosternation accomplie, les chefs, dans la grotte, formèrent le cercle autour du trône vide. La foule, dans la plaine, s'assit avec le plus profond silence sur les pierres, dont le sol était jonché. La nation attendait son roi qu'un vote solennel allait proclamer. Parmi les chefs assemblés sous cette voûte, qui avaient vu les étranges mystères du culte sanglant des druides, le plus ancien prit la parole et dit « Frère, dans la dernière assemblée, quelqu'un nous commandait. Où est-il ?» Un jeune homme s'avança, tenant un anneau à la main. Il le montra à toute l'assemblée, dans les rangs de laquelle courut un long frémissement, car cet anneau était l'emblème du souverain pouvoir, et nul roi au monde n'a plus d'autorité que celui des Gitanos. Quoi qu'il commande, il est obéi. L'anneau est le symbole de cette royauté absolue, et cet anneau brillait aux lueurs des torches. Ce jeune homme qui le portait dit simplement « Mon père, qui nous commandait tous, mon père, choisi par vous, mon père qui a bien régné, est mort de mort naturelle, je le jure sous les trois étoiles qui guident la nation. » Le jeune bohémien déposa l'anneau sur le trône et dit « Qu'il soit celui que vous désignerez. » Il s'éloigna, il se fit un silence profond. Dans la vallée, la foule muette attendait la décision des anciens. Dans la grotte, ceux qui aspiraient au pouvoir suprême étaient sous l'étreinte des violentes émotions qui secouent l'ambition en ces heures de crise. Au loin, les hiboux lançaient dans l'espace le roulement lamentable auquel répondaient les cris des orfraies. Du fond des mares s'élevaient les notes de cristal des crapauds. Un cerf chassé des taillis par les sentinelles errait en bramant sous la feuillée, ralliant sous ses appels la harde de ses biches effarées. La brise, courbant les cimes frémissantes des hautes futaies, en tirait de longues plaintes. L'ensemble de tous ces bruits formait une harmonie puissante qui jetait dans l'âme cette terreur sacrée dont on est saisi au fond des grands bois couverts par l'ombre de la nuit. Et tout un peuple était là, tenant des assises solennelles, foule immobile et sans bois, bizarrement éclairée par les feux mourants. C'était un spectacle saisissant qui faisait songer aux mystérieuses assemblées qu'aux premiers âges les nations gauloises formaient dans cette gorge mystérieuse. Un homme sous la voûte rompit enfin le silence, c'était un candidat. L'usage était d'accorder la royauté à celui qui offrira à son peuple la plus belle perspective d'avenir, le plus d'or à recueillir. « Frère, dit-il, je sais où l'on pourra certains jours trouver 2 millions, 3 peut-être, dans l'incendie d'une maison de banque. » Il se tut, cédant la place à un autre. « Moi, dit celui-ci, je suis certain de pouvoir enlever les diamants d'un prince régnant. C'est une affaire de 5 millions, mes frères jugeront, si je suis digne de commander. » Un troisième se faisait fort de voler 10 millions en 2 ans. Il s'agissait d'une spoliation merveilleusement combinée, basée sur une guerre civile prévue en Espagne. Ce dernier candidat avait exposé un plan qui séduisait l'assemblée lorsque tout à coup le galop d'un cheval retentit. Dans la gorge, la foule s'agitait sous le passage d'une jeune femme montée sur un cheval arabe qui dévorait l'espace. Le peuple murmurait le nom de l'Amazone avec admiration. Le conseil des chefs suspendit la séance, on avait reconnu l'Amazone. « C'est Laura qui vient disputer l'anneau », avait dit l'un d'eux. Et les tribus, tressaillant de joie, toutes répétaient avec sympathie ce mot « C'est Laura ». Ceux de sa famille la nommaient Laura par abréviation et lui lançaient la bienvenue. Tous l'acclamaient. Elle passa rapide. Le coursier bondissait. Franchissant les rocs escarpés, il s'arrêta blanc d'écume à l'entrée de la grotte. La jeune femme y pénétra calme et souriante. C'était cette étrangère qui avait si étrangement dompté le vampire dans l'auberge maudite. À cette heure, au milieu de tous ses profils énergiques, elle apparaissait comme le génie de cette race dont la beauté rayonnait en elle. Le prestige d'Elora était depuis longtemps établi sur ses frères. Elle était l'orgueil des Gitanos. D'un pas ferme, elle se dirigea vers le rocher sur lequel devait s'asseoir l'élu. D'une main sûre, elle s'empara de l'anneau et le mit à son doigt, puis il s'assit malgré les murmures que soulevait son audace. « Frère, dit-elle, je suis reine, et nul ne le contestera, car nul n'apportera une dîme à prélever sur 100 millions. » Un long frisson d'étonnement agita l'assemblée. « 100 millions ? Jamais un Garry n'avait rêvé d'accomplir un vol aussi considérable. « Frère, » dit la jeune femme, « à cette heure je suis authentiquement comtesse et mon frère est devenu baron de Jalisse. Nous sommes héritiers légitimes du duc de Trieste. Entre nous et cette succession, il y a une lignée à faire disparaître. Elle périra. Le duc n'a fait aucun testament, nous en avons la certitude absolue. » Elle donnait tous ces détails avec une précision incisive. On l'écoutait avec une émotion extrême et une profonde déférence. Elle reprit. « À cette heure, le baron de Jalisse, mon frère, fait disparaître le duc dont le décès ne sera constaté que quand il en sera temps. Voilà mon but. Voici mes titres. » Elle montre des parchemins. « Je puis, si vous doutez de moi, vous donner des preuves concluantes. Mais dès aujourd'hui, j'apporte au chef, pour être expédié au gardien du trésor, la dîme d'une affaire de 3 millions que Jalisse et moi nous avons menée à bien. » Puis tendant un portefeuille au plus âgé des chefs, elle reprit. « Quel est celui de vous qui a mieux fait que Jalisse et moi ?» Personne ne releva le défi. « Le passé, reprit-elle, répond de l'avenir. Avant 2 ans, je vous donne, chef, rendez-vous dans mon palais pour vous remettre la dîme prélevée sur les 100 millions que je saurai conquérir. » Bientôt, comme un tourbillon, le cortège de Laura descendit de la grotte. La reine, sur son coursier, était escortée par tous les chefs auxquels on avait amené leurs chevaux. Elle passa la revue des siens de l'Occident à l'Orient, au milieu des acclamations frénétiques de la multitude, puis chaque chef reprit son rang en tête d'une famille. La tribu de la reine prit alors place autour d'elle, et à un geste de la souveraine, le défilé de toutes ses voitures commença au trot, emportant cette armée de mendiants qui se trouvait à cette heure dans les mains les plus habiles et les plus terribles qui eussent jamais dirigé cette association de malfaiteurs redoutables, prêts à tout, prompts au vol, servis par des instincts sanguinaires, doués d'une merveilleuse organisation, de facultés inouïes de ruse, d'adresse et surtout forts de leur dédain pour les lois, de leur courage en face de la mort et de leur mépris de la vie. Toute cette nation guenille, mais fière de sa force et de la liberté, passa devant la reine, lui jetant son salut et son adieu, se mettant aux quatre coins de la France au service de la souveraine, prête à exécuter ses ordres et à porter des messages aux tribus des pays étrangers, tenues par les usages de prêter assistance dévouée à cette reine, alliée de leur roi. Le défilé fut long et superbe d'enthousiasme et d'entrain. 2 heures de nuit seulement restaient à s'écouler encore, quand la dernière voiture disparut sous les avenues de la forêt. Au loin, on entendait les roulements sourds des chars lancés au trot. Les feux s'éteignaient et l'ombre redescendait sur le théâtre où s'était accompli cet événement. Laura n'avait plus autour d'elle que sa tribu. Elle était entourée des gens de 5 voitures, fous d'orgueil et de joie. C'était pour eux un bonheur d'avoir donné une reine à la nation. Ils entouraient Laura et la félicitaient. Celle-ci les grompa d'un geste autour d'elle. « Frère, dit-elle, il faut pour un temps renoncer à la vie errante, à la liberté, au long voyage. J'ai besoin de vous. Mettez en sûreté vos voitures, vos enfants, votre or. Que les vieillards et les vieilles femmes restent à la garde de ce que vous laisserez derrière vous, que tous les autres revêtent le costume hongrois et se rendent à mon hôtel à Paris. Frères et sœurs, je vous attends bientôt, que les étoiles de l'Orient vous guident. » Elle tendit ses mains aux siens qui les couvrirent de baisers, et lançant son coursier, elle partit seule, à fond de train, disparaissant bientôt dans la direction de Fontainebleau. Derrière elle, sa tribu suivait d'une allure moins vertigineuse, mais si rapide encore, qu'au jour les gardes à cheval cherchèrent en vain de la rejoindre en suivant sa piste. Cette fois encore, la police de la forêt ne peut rien savoir de ces mystères, qui se déroulaient de loin en loin pendant certaines nuits dans les gorges de Franchard.